Delta. Les artistes pointent à l'arrêt de bus, loin des carmos de Brabus. RER A c'est le terminus. Quand je rappe, j'ai rien dans les sinus, encore moins dans l'anus. Laisse arriver l'opus, un coup de schlass dans la nuque. Ils veulent un son de boîte, j'ai les boules à face, dans le calbar. Faire la promo sur la radio c'est dur, petite carba. Sponsor par la street normale, j'ai un flow tarba. Ici c'est Hex, faut que les méga R's leur mettent dans le baba. Méga reste à droite, à gauche, ils se mettent des doigts tout droit. Y'a le succès, je compte bien y arriver sans sucer. Mister Bruno, suce mon Kinder Bueno. Quand le vrai rap, non, on reste rebelle comme Renault. Je suis adulte, j'écoute pas ado. Je veux croquer tout le gâteau. Pareil que mon rap est trop crade, qu'il faudrait que je rétrograde. C'est grave pour passer leur crade. Faut que je leur passe la pommade. Mon scud va le graver, je m'en fous, moi je viens du pavé. Ouais, dans sa piste de bonhomme, mais c'est ceux du bois de Boulogne. Demande à l'ogne, frérot, vas-y, balance un boulot. Il boycotte le hip hop pour le profit. Merde, Delta Hex, I'm sure, venez vous satisfaire. Ouais, dans sa piste de bonhomme, mais c'est ceux du bois de Boulogne. Demande à l'ogne, frérot, vas-y, balance un boulot. Le hip-hop pour le profit. Merde, Delta Hex, I'm sure, venez vous satisfaire. Si t'as pas Dieu, ma. Normal, si t'as pas d'oseille, gros. Tu passes pas là, Diora. Y'a pas moyen, non, y'a pas moyen. Si t'as pas Dieu, ma. Gros, pas d'oseille égale négatif. Tu passes pas là, Diora. Normal, pas de philanthrope. Chez nous, pas de disque d'or, pas de rap salope, que les disques durs. Que les disques d'art pour les enfuirs, pour les enfants, pour les ordures, ouais j'adore. Faut la merde dans ton hip-hop, j'adore. Une bande de mythos, je les cadore. Je vais les frapper, toutes ces petites merdes qui se la racontent, je les cadore. En graine ma jeunesse dans le mensonge, je les mets ici de la rue sur des éponges. Juste pas les carilous, pompe pas les carilous, fuck les carilous. Serge mon tâche lilou, sans pas les couilles qui t'aident, on douille. Y'a fouille, y'a couille, mon esprit part en couille. C'est l'art de la guerre dans ma tête, tête, tête, tête, tête, je te douille. Ouais couille, 7-8 dans les fouilles, t'es l'hommage, t'es l'hommage, couille. C'est un piste de bonhomme, mais c'est ceux du bois de Boulogne. Demande à l'ogne, frérot, vas-y balance un boulot. Il boycotte le hip-hop pour le profit. Merde, Delta Hex, I'm sure, venez vous satisfaire. Croyez dans sa piste de bonhomme, mais c'est ceux du bois de Boulogne. Demande à l'ogne, frérot, vas-y balance un boulot. Il boycotte le hip-hop pour le profit. Merde, Delta Hex, I'm sure, venez vous satisfaire. Nique le strass et les paillettes, c'est le mec qui promo dans le toilette. Sous Jackset, sous part de la palette, nique les ondes. Ça kick dans l'ombre, on range les ondes, calcule les bénéf dans l'angle. En magazine Céline, et casse-toi majorette. Faut que tu te résines, c'est des flots roquettes. Même majoré, le major au majeur, honneur comme major d'homme. Bloqué erreur dans le hall, résistance, moi ce qu'il en reste. Ligne de conduite, t'es un PD si t'as tourné ta veste. Aucune zone d'ombre, archivée chez l'architecte. Lui c'est pas cassé, il nous a classé dans les coursives. 5.7, 9.5, force vive, agent ou hymne. Tu ne peux comprendre nos hymnes, c'est comme essayer de dire un film sans codec. T'étais sur la table alors que t'as pas un copec. Espérance d'un blackout, tout ça au coude à coude dans une seule tête. Hiérarchie d'anarchie qui boue dans la casserole. Pour nous tous, c'est le ras-le-bol. J'croyais dans sa piste de bonhomme, mais c'est ceux du bois de Boulogne. Demande à l'ogne, frérot, vas-y, balance un boulot. Il boycotte le hip-hop pour le profit. Merde, Delta Hex, I'm sure, venez vous satisfaire. J'croyais dans sa piste de bonhomme,